Bonjour à tous, chers amis, amoureux de la culture et de la gastronomie française. Bienvenue à FrenchPod, je m'appelle Amaury. Bienvenue pour cette nouvelle leçon avancée sur... la dégustation de vin. Alors le vin, sujet extrêmement important. Je veux dire, ça a une importance considérable dans la gastronomie française. C'est clair, Christella. Ça tient une place fondamentale dans la culture gastronomique française. Le vin, ça coule dans les veines des Français. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'amateurs, il y a énormément de vins différents qui viennent de différentes régions de France. D'ailleurs, très peu de Français conçoivent un repas sans vin, généralement. D'accord, alors aujourd'hui, on a une dégustation de vin. Donc, c'est le moment où les gens vont goûter, ils vont pas boire toute une bouteille, mais ils vont juste goûter le vin pour en apprécier sa valeur. Avant de savoir si vous l'achetez ou pas, c'est ça? Exactement, ouais. Donc, on va retrouver le propriétaire d'un domaine viticole. Qui fait visiter, en fait, son domaine et en même temps qui fait déguster son vin à des visiteurs. Donc, maintenant, il est temps d'écouter le dialogue. Après avoir effectué la visite des caves, nous allons passer à la dégustation. Ah, enfin. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, une sélection des 5 meilleurs vins de notre coopérative pour l'année 2002. Je tiens quand même à signaler que 12 châteaux de notre belle région viticole ont reçu le titre d'appellation d'origine contrôlée et que 8 vins ont été désignés grands crus. C'est vraiment impressionnant. C'est pas mal, hein, c'est bien. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez devant vous 2 rouges, 2 blancs et 1 rosé, tous de cépages différents. Je vais commencer par vous faire goûter le château Montbazillac. C'est un vin blanc, liquoreux, de grande qualité. Remarquez en premier lieu la robe de couleur paille qui fonce et s'accentue au fil des années. Ça a l'air d'un vin vraiment de grande qualité. Quelle belle couleur! Je vais maintenant vous demander de saisir vos verres et de faire tourner le vin délicatement. Parfait. Nous pouvons à présent le humer. On peut noter qu'il développe des arômes de miel et un parfum de fleurs d'acacia et de pêche, avec des nuances de mirabelle et d'agrumes confits. Il est temps à présent de prendre une gorgée. Je vous conseille de faire tourner le vin dans votre bouche pour vous en imprégner. Sentez-vous comme il est déjà puissant et corsé? Ouais. Quelle saveur! C'est un vin qui, bu jeune, est déjà agréable et séduisant, mais qui gagne en vieillissant. Il acquiert alors une finesse, un moelleux et un bouquet qui confine au sublime. C'est un vin qui, lorsqu'il est réussi et que le millésime lui a été favorable, peut tenir 20, 30 ans et plus. Oh. Combien la bouteille? Cet homme avait l'air vraiment content de présenter sa production aux visiteurs. Il est vraiment très enthousiaste. Oui. Ça a l'air d'être sa passion. Et puis, il emploie des termes qui sont vraiment propres à la production viticole. Oui. Et il y avait même des termes que je connaissais, mais dont le sens n'était pas très clair pour moi. Donc, je suis vraiment très contente qu'on fasse cette leçon aujourd'hui. Alors, parmi les premiers termes qu'on retrouve, donc, c'est vrai qu'on a une belle petite sélection de termes relatifs au vin. Notamment le mot viticole, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois jusqu'ici. Oui, on parle de région viticole. Et donc, c'est simplement une région où on produit un certain type de vin. Viticole, c'est tout ce qui est relatif au vin. Et alors, petite anecdote, on peut dire viticole ou vinicole. C'est pas vrai. C'est exactement la même chose. Vinicole. Vinicole. Waouh, c'est la première fois que j'entends. Donc, les deux mots sont valables et veulent dire la même chose. Alors, il y a notamment le titre appellation d'origine contrôlée. Alors, si c'est un titre, ça certifie vraiment que le vin est de bonne qualité? Oui. Donc c'est une certification qui est attribuée par l'INAO, qui est l'Institut National des Appellations d'Origine. Donc c'est cet organisme officiel français qui donne cette certification à un produit et qui en garantit l'origine et la qualité. Et donc ça ne s'applique pas forcément au vin, mais également à d'autres produits comme les fromages, le miel. Mais évidemment dans la leçon ici, c'est de vin qu'il s'agit. C'est une appellation qui apparaît sur la bouteille. Il est marqué dessus « Appellation d'origine contrôlée ». Donc lorsque vous voulez acheter une bouteille de vin français, regardez bien, généralement c'est juste en dessous de l'image, il y a une image d'un château, en dessous il doit être marqué « Il doit être marqué, mais c'est bien d'avoir cette appellation qui est présente et qui certifie que vous avez normalement un vin d'une certaine qualité. Et justement, alors le terme « grand cru ». En fait, un grand cru, c'est très simple, c'est un très bon vin. Alors, un peu plus loin, Il parle de 2 rouges, 2 blancs et 1 rosé. En réalité, il s'agit de 20 rouges, de 20 blancs et de 20 rosés. Ouais. Mais très souvent, on fait tomber le 20, puis on dit simplement un rouge, un blanc, un rosé. Et le propriétaire de cette vigne dit qu'ils sont tous de cépages différents. Alors le cépage, c'est la variété de la vigne. Donc, le chardonnay est un cépage. Un autre exemple, le merlot est un autre type de cépage. D'accord. Alors, il parle du château Montbazillac. Il dit que c'est un vin blanc liquoreux de grande qualité. Alors, liquoreux, rien que le terme, en l'entendant, j'ai envie de goûter, quoi. Parce que, à l'oreille, c'est vraiment très agréable, liquoreux. Et puis, ça fait penser à quelque chose qui a la texture d'un sirop ou... Eh ben, c'est tout à fait ça. C'est vraiment quelque chose qui est doux et qui, en même temps, qui est sucré. Il sait vraiment bien décrire son vin. C'est un artiste, ce propriétaire. Non, vraiment, il est passionné. Et puis, il parle de la couleur du vin et il dit la robe de couleur paille. Eh bien, tu viens de le dire, en fait. La robe, c'est la couleur quand on parle, mais seulement quand on parle d'un vin. Ah, d'accord. C'est un synonyme du mot pour dire la couleur du vin. On dit la robe du vin. Mais attention, c'est seulement quand on parle de vin, bien sûr. Alors, il dit, attention, mesdames et messieurs. Comme tu dis, vraiment, c'est un passionné et il se lance dans sa dégustation, là, maintenant. Il l'a présenté, il passe dans la partie vraiment active. Et il leur dit, attention, mesdames et messieurs, là, nous pouvons à présent le humer, le respirer, le sentir. Et après avoir respiré, senti et goûté le vin, il leur propose de faire tourner le vin dans leur bouche pour qu'ils s'en imprègnent. Alors, s'imprégner de quelque chose, c'est vraiment le laisser prendre toute sa force et toute sa puissance en nous. Un vrai passionné. Et puis il dit, vous sentez cet arôme, comme il est puissant et corsé. Ah oui, corsé aussi, un très bel adjectif ici, qui qualifie souvent les vins. Ça veut dire qu'on sent déjà bien le goût du vin. Il est fort. Ne riez pas, s'il vous plaît. Le bouquet, moi j'ai cru qu'il parlait vraiment d'un bouquet quand il parlait du bouquet du vin. Oui, le bouquet. Comme tout à l'heure, on a vu la robe qui était la couleur du vin. Ici, le bouquet, c'est le parfum qui se dégage du vin. Ce terme de bouquet ne peut s'utiliser dans ce sens-là que pour le vin. C'est bien ça, ouais. Et là, je vais reprendre la phrase parce qu'elle est quand même jolie. Et elle reprend le mot bouquet et une autre expression qui est intéressante à la fin. Il acquiert alors une finesse, un moelleux et un bouquet qui confine au sublime. Qui confine au sublime, qui s'approche de la perfection, qui sont à deux doigts de la perfection, de l'extase. Quel vin, quelle saveur. Donc il donne vraiment envie aux visiteurs de l'acheter, en fait. Il le vend bien, ouais. Il le vend très bien. Et il rajoute encore que si jamais il y a eu un millésime qui a été favorable, ça veut dire que si ça a été une bonne année de production, eh bien il peut tenir 20, 30 ans et plus. Eh bien si on réécoutait cet artiste nous parler de son vin. D'accord, et après on parlera encore un peu de vin. Après avoir effectué la visite des caves, nous allons passer à la dégustation. Ah, ah enfin. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, une sélection des 5 meilleurs vins de notre coopérative pour l'année 2002. Je tiens quand même à signaler que 12 châteaux de notre belle région viticole ont reçu le titre d'appellation d'origine contrôlée et que 8 vins ont été désignés grands crus. Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est pas mal, hein. C'est bien. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez devant vous 2 rouges, 2 blancs et 1 rosé, tous de cépages différents. Je vais commencer par vous faire goûter le château Montbazillac. C'est un vin blanc, liquoreux, de grande qualité. Remarquez en premier lieu la robe de couleur paille qui fonce et s'accentue au fil des années. Ça a l'air d'un vin vraiment de grande qualité. Quelle belle couleur! Je vais maintenant vous demander de saisir vos verres et de faire tourner le vin délicatement. Parfait. Nous pouvons à présent le humer. On peut noter qu'il développe des arômes de miel et un parfum de fleurs d'acacia et de pêche, avec des nuances de mirabelle et d'agrumes confits. Il est temps à présent de prendre une gorgée. Je vous conseille de faire tourner le vin dans votre bouche pour vous en imprégner. Sentez-vous comme il est déjà puissant et corsé ? Ouais. Quelle saveur ! C'est un vin qui, bu jeune, est déjà agréable et séduisant, mais qui gagne en vieillissant. Il acquiert alors une finesse, un moelleux et un bouquet qui confine au sublime. C'est un vin qui, lorsqu'il est réussi et que le millésime lui a été favorable, peut tenir 20, 30 ans et plus. Oh. Combien la bouteille ? Alors, nous revoilà et on espère que ces dialogues vous a donné envie d'en savoir plus sur le vin, ou mieux, envie d'assister vous-même à une dégustation de vin dans, qui sait, dans un domaine viticole français ? Oui, je vous le conseille. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Amaury, d'assister à une dégustation de vin ? La première que j'ai faite était près du château Montbazillac, qui existe réellement. Dans le sud de la France ? Ouais, c'est près de Bordeaux, dans la région de Bergerac. D'accord. Comment ça s'est passé, en fait ? C'était formidable. Ça commence, on fait une visite du domaine, une visite des vignes. D'accord. Après, on a eu la possibilité d'assister au processus de fabrication du vin. Donc, c'est là qu'on voit toutes les cuves. Le propriétaire explique vraiment comment ça se déroule. Excellent. Et après, évidemment, moment que tout le monde attend. La dégustation à la fin. Et le propriétaire aussi, parce que ce qu'il veut, c'est vendre les bouteilles. Donc voilà, ça se déroule comme ça. Il nous propose une petite sélection de vin. Et alors là, on en prend un tout petit verre. Un tout petit verre, c'est pas un verre énorme, ça vient pas avec la bouteille. Non, pas du tout, non. D'accord. C'est pas le but, on doit seulement le goûter. Et justement, le processus de dégustation, alors comment ça fonctionne ? Parce que moi j'ai toujours vu, tu vois, à la télé, dans les journaux, ils expliquaient ça, mais je veux l'entendre de quelqu'un qui l'a vraiment vécu. Comment on est censé bien déguster un bon vin ? Alors, il faut prendre une gorgée de vin. Une fois que vous l'avez en bouche, vous gardez la bouche bien fermée et vous commencez à mâcher le vin. Mâcher le vin ? Eh oui. Mâcher le vin, enfin on va dire mâcher comme si c'était du pain. D'accord. Ok. Et après ? En fait, il faut le faire pendant 20 secondes quand même. Mâcher le vin pendant environ 20 secondes. Mm-hmm, 20 secondes. Une fois que vous avez fait ça pendant 20 secondes, il faut le faire tourner dans la bouche. D'accord. Le faire tourner de gauche à droite par exemple ? C'est exactement ça. De la joue gauche vers la joue droite. Et d'accord. Donc, balancer le vin d'un côté à un autre de la bouche. Alors, il y a des gens en même temps au milieu, ils font... Non. Ça, on n'est pas obligé. C'est ceux qui veulent vraiment montrer... qu'ils s'y connaissent. Qu'ils s'y connaissent, alors que c'est pas vraiment... Alors, c'est pas toujours le cas. Imposteur. Comme au début, vous avez déjà laissé le vin 20 secondes ventre-bouche et en le faisant tourner. Donc de cette manière, vos joues et votre langue vont s'en imprégner. D'accord. Alors attention parce que c'est pas encore fini. Après c'est fini, on l'avale et puis... Pas encore. Faut le laisser reposer un peu dans la bouche, je dirais 2-3 secondes. Oui. Et l'avaler par petites gorgées. Toujours en essayant de garder la bouche fermée. D'accord. Cette manière-là permet de dégager toute la saveur du vin et de l'apprécier du mieux qui soit. Wow. Et normalement, après, vous pouvez le décrire. Alors, on peut dire fruité, aromatisé, puissant, corsé, licoreux. Ouais, il est tellement beau, cet adjectif, licoreux. On a appris tellement de choses. Ah, c'était un plaisir d'en parler. Si vous aussi, vous êtes passionné de vin, de gastronomie française, que vous intéressez aux produits du terroir français, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre site internet frenchpod.com. C'est vrai parce que si vous avez une suggestion, pour nous, ce sera un plaisir de traiter le sujet ici, dans une leçon, que ce soit avancé ou à un autre niveau. Sur ce, on va vous dire au revoir et à très bientôt. Salut!